Nous sommes Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nantes, grève, réflexion, manie. Et puis des blagues! Résiste sur Radio Cayenne. Suis ton cœur qui insiste sur Radio Cayenne. Salut, salut, nous sommes toujours sur Radio Cayenne et donc on passe sur la deuxième partie de notre grande émission du lundi soir. Donc après avoir parlé gentrification, embourgeoisement, projet d'urbanisme, là on va parler immigration, frontières, libre circulation, sans papier. Et pour ça, on accueille trois personnes du Gazprom, Clandestino, Latino et la stagiaire, le comeback de la stagiaire. Et si vous vous rappelez, si vous étiez là aux premières heures de Radio Cayenne, la stagiaire était déjà là. Voilà, on est très content et contente de vous accueillir ce soir. Alors, au-delà de parler de ces sujets-là, on va parler aussi d'un festival que vous organisez du 26 au 28 janvier, qui s'appelle le Festival Sans Frontières. Et voilà, on y reviendra plus concrètement, mais peut-être que pour commencer, déjà, c'est vous dire bonjour, bienvenue. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du Gazprom, parce que bon, le Gazprom, moi, dans les médias, quand on parle du Gazprom, souvent c'est une entreprise de gaz russe. Alors, est-ce que c'est là-dedans que vous militez ou c'est autre chose? Et voilà, on peut nous raconter, vous, le Gazprom, pour vous, c'est quoi? Et voilà. Avant tout d'abord, on vous remercie beaucoup pour l'invitation que vous nous honorez. Au fait, Gazprom, comme les gens, on a la tendance d'entendre les gens souvent qui nous disent « Mais Gazprom, c'est vraiment une usine en Russie. » Donc du coup, c'est pas le cas au fait. Gazprom, c'est une association qui milite contre le racisme, qui milite contre quand même la libre circulation, et qui milite aussi quand même pour la régularisation des sans-papiers au fait, parce que on a tendance à voir dans ces années plus de migrants, et comme on appelle, il y a tellement de migrants en France et qui sont à la recherche de la régularisation, qui n'est pas vraiment le cas. La plupart se dirigent vers le Gazprom, donc c'est un peu ça, le Gazprom. Merci Latino. Je sais pas si Clandestino, tu veux dire deux mots. Hein. Pour moi, la première fois que j'allais au Gazprom, c'était le cours de français. J'étais une semaine en France et j'allais à Gazprom pour les cours de français. J'appréciais trop cette association parce que personne ne me dit que tu viens d'où, le Fred, t'es qui, t'appelles comment. J'ai entré pour le cours de français comme ça. Et de ce jour-là, j'ai resté au Gazprom 3 ans, ça fait au moins au Gazprom. Et du coup, tu fais quoi toi au Gazprom? Pour le moment, je prends le cours de français, mais je suis pour les... Et je fais l'accueil le mercredi et le vendredi. Je suis dans la commission CATS. Ok. Oui. Alors, c'est quoi la commission CATS? La commission CATS, on programme les 3 mois d'avance, qu'est-ce qu'on va faire. Ok. Oui. Du coup, vous êtes plutôt à réfléchir un peu dans le long terme, les projections, la stratégie, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Ok. Ouais. D'accord. La stagiaire, tu veux rajouter quelque chose? Juste peut-être un petit point sur le Gazprom. Rappelez que c'est une ASTI. Ouais. Alors, une ASTI, c'est une association de soutien à tous et toutes les immigrés. Il y a une soixantaine, je crois, d'ASTI en France. Et c'est regroupé dans une fédération qui s'appelle la FASTI, la Fédération des associations de soutien à toutes les personnes immigrées. Et donc, le Gazprom est une ASTI. Voilà. Et juste peut-être un truc qu'on n'a pas dit... parce que je sais qu'à Radio Cayenne, c'est quelque chose qui vous importe aussi. Le Gazprom milite par ailleurs contre l'enfermement, évidemment, de, des personnes étrangères. Mmh. Et... D'où le positionnement, notamment sur les centres de rétention, tout ça. Absolument. Ouais. Ouais. Ok. Peut-être on se fait une toute petite pause musicale, et puis ensuite on parle un peu de d'où vient cette idée de festival, et notamment, de, je crois, c'est en lien avec Edouard Donné. Ouais. Ça marche. Ouais. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Bah allez, jamais. Dans quoi? Fofo, Kinklin, Jodo. Attaque le bon homme, attaque ya. On va voir maintenant. Kinklin, Fofo, Jodo. Très vrai qu'on a faim, vous nous parlez de la carnaval. C'est pas ça qu'on mange, man. Laissez-nous avancer, oh. Le poche est en panne. C'est le Gabon qui perd, ou bien c'est le Gabon qui gagne. Agnambien, Agnambien, Were cotisant bien bien. Le film est là, encore recommencé, oh. Agnambien, même acteur, même chef des bandits, oh. Agnambien, ils sont encore venus nous manger. Dans quel genre de niaboué? On casse des cailloux, matin, midi, soir, depuis trop longtemps. Sankara, Kwame, Kuma, voilà les gens qu'on attend. À beau chercher avec la torche, y'a pas l'homme pour l'instant. À qui le tour? Président élu, ah non, pas quoi, non, non. Les chiens aboyaient, la caravane passait. Mais un bon matin, les porteurs vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Les chiens aboyaient, la caravane passait. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Il paraît que le grand veut nous voir, oh Christian. C'est à cause de nos faux petits sont là qu'on va nous cicia. C'est la CIA, on ne chante plus ici. Hein. Donc tout le monde que la campagne. Vous aussi un Jamtara, Jamtara, Angolara, Womalara. Laissez-nous d'abord un peu le gros français, la Jamtara. Bah macro, bah croissance, ça nous intéresse pas ça. Vous nous avez violé le pays, c'est ça ou c'est pas ça? On chante la pluie quand il pleut, le feu quand il y a le feu, la parole de Dieu, le ciel bleu, je chante la fin de ce royaume, il a duré trop longtemps. Hérode, tu étais venu, ah non, pas comme on l'entend. Les chiens aboyaient, la caravane passait, mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Les chiens aboyaient, la caravane passait, mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Ah voilà! Il a mené sur vous, hein? C'est vrai, waouh, vous voulez faire un gel et gel, mais certes, quand même, non, un gel et ça! Mais ça nous intéresse pas ça! Franchement, ça nous intéresse pas ça! Et vous allez encore dire que les petits des MH là sont avec vos histoires du PDG là? Non, moi je signe ça! Je signe ça! Baraton! Comme on l'entend. Les chiens aboyaient, la caravane passait. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Les chiens aboyaient, la caravane passait. Mais un bon matin, les panthères vont les remplacer. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Partage de la FM, partage du temps d'antenne, ou sinon ça va péter. Partage de la FM, partage du temps d'antenne, ou sinon ça va péter. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Et donc dans cette deuxième partie de d'émission, on parle du Gazprom, du Festival Sans Frontières, qui aura lieu du 26 au 28 janvier à Nantes. Donc on a la chance d'accueillir trois personnes du Gazprom qui nous ont parlé un peu de bah, pour elles c'était quoi le Gazprom. Et si j'ai bien compris, donc le Festival Sans Frontières donc qui a lieu dans 15 jours. Il est né notamment à Douarnenez lors d'un autre festival. Douarnenez, donc pour ceux et celles qui savent pas, je crois que c'est dans le Finistère. Et à Douarnenez, il y a un festival tous les ans depuis pas mal d'années, un festival du film documentaire autour de des questions notamment de migration, pas que, mais Festival des minorités, bah tu peux même le dire dans ton micro si Festival tu veux. Festival des minorités, donc ça fait 40 ans que le festival existe et que chaque année, chaque été, il y a une thématique majeure. L'année dernière, c'était les frontières, le thème qui était choisi. Bah, peut-être que vous pouvez raconter un peu cette expérience, que de ce que j'ai compris toujours, vous êtes parti à plusieurs personnes du Gazprom. Voilà, peut-être parler un peu de ça. On est allé 12 personnes de Gazprom pour le festival des Douardonnés. On a apprécié trop l'ambiance là-bas. Le ciné, la discussion. Alors on a dit pourquoi on ne fait pas ça à Nantes, on ne ramène pas les échos, l'ambiance à Nantes. À ce moment-là, on a réfléchi de faire notre petit festival. Ce n'est pas un grand festival comme le Douardonnés, mais un petit festival. Et petit à petit, le rêve se réalise. Du coup, avant d'avancer sur le rêve, comment il va se réaliser d'ici 10 jours, peut-être, je sais pas, tu peux peut-être nous en dire plus. Là, tu dis, on a adoré l'ambiance. C'était quoi l'ambiance que toi, ce que tu as vécu du coup à Douardonnés? Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? J'ai aimé trop les films diffusés. J'ai vu 16 films là-bas. J'ai raté. Ah ouais, t'as passé ton temps dans les salles de cinéma, quoi. Ah oui, j'ai passé. Donc, ouais, 2-3 films par jour, quoi. Comme ça. 2-3, parfois 2 par jour, parfois 4 par jour, parfois. Ok. Et du coup, vous étiez des personnes qui vous connaissiez, là, les 12 personnes du Gazprom ou pas? Non. Non. Même stagiaire et l'autre, on se connaît jamais. Ouais. Malgré on était dans la même association, mais on se connaît jamais. Je connais la stagiaire là-bas, je connais et beaucoup de. Et du coup, ça a permis pour toi là de rencontrer un peu les autres personnes et de se dire peut-être on pourrait faire d'autres choses que juste faire les commissions juridiques, les commissions françaises, tout ça. Ouais. Ouais. Moi, quand j'ai des Douardonnés, j'ai jamais allé aux vacances. Je profitais. Toujours travailler. Okay. Donc là, c'était tes premières vacances. Oui, c'est la première vacance. Ok. Oui. Tu disais que tu avais vu 16 films. Alors, moi, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir c'est quoi ces 16 films. Après, peut-être t'auras pas le temps de me parler des 16 films. Et peut-être on va reparler des films dans la programmation. Du festival Sans Frontières, justement. Mais est-ce qu'il y a des films qui ne sont pas dans la programmation du festival Sans Frontières, que tu as vu et qui t'ont marqué et que tu auras envie de dire deux mots là-dessus? Là-bas, il y a beaucoup de films que j'apprécie. Par exemple, Omar. Omar, c'est un beau film qui parle de la Palestine et la frontière entre Palestine et Israël. Et une relation d'amour entre deux jeunes qui est finie, c'est pas comme toutes les relations d'amour finies de trahison et de mourir. J'aime trop Omar et je me souviens plus du nom du film. Resting, même sur la souffrance de la prisonnière palestinienne dans le prison israélien, comment il fait pour parler, pour prendre le policier syrien ce qu'il veut. Oui, mais on a les auteurs programmés ici. Ouais. Peut-être on se le laisse de côté et on en reparle très rapidement dans 3 minutes. Mmh. Et on se fait une petite pause musicale et on part sur la programmation du festival. Mmh, okay. Alors, juste avant, parce que là tu parles de deux films autour de la Palestine et Israël. Et du coup, n'hésitez pas, en ce moment il y a un festival du film palestinien en Loire-Atlantique. Hier tu es allé voir un film? Oui, je suis allé voir le film Je danse si tu veux. Okay. Cinéma, chorégraphie, oui. Ok. Oui, Cinématographe. Ok. C'est Palestine. Et c'était chouette? Oui, c'était chouette. On se fait une petite pause musicale et puis on revient pour rentrer encore plus dans le vif du sujet et que vous nous présentiez un peu, ça va être quoi là, ce rêve réalisé, ce festival dans 10 jours. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key them to life, let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Et oui, nous sommes toujours sur Radio Cayenne et on est toujours avec nos camarades du Gazprom. qui sont venus nous causer du Gazprom, de leur expérience au festival du film de Douarnenez. Et là, on rentre dans le vif du sujet, le festival Sans Frontières, qui aura lieu du 26 au 28 janvier sur Nantes. Et du coup, après avoir un peu causé de Douarnenez, où un peu l'idée a émergé de faire un festival à Nantes, avec les différentes dimensions que vous avez appréciées, kiffées sur Douarnenez, qui était la question des films, la question de la bouffe, la vie collective, la question de la fête, de la musique, et la question des discussions. Et ben peut-être que vous pouvez maintenant commencer à nous présenter un peu ce qui va se passer du 26 au 28 à Nantes. Non, ouais, vas-y. Non, c'était juste avant qu'on parte sur la présentation de la musique, juste rappeler que ce festival, enfin deux choses hyper courtes, juste te dire que le festival il aura lieu sur trois endroits, mais qui sont à 1 minute 30 chrono en main à pied, à savoir le Gazprom, Pollen et la maison de quartier des Olivettes. Donc c'est trois lieux en même temps, ça sera affiché, tout ça, voilà. Le Gazprom et la maison de quartier des Olivettes, ce sera essentiellement des lieux de films, de projection de films, et Pollen, le lieu central où on pourra faire tout ce qu'il y a décrit dans le programme, à part regarder des films. Et puis la deuxième chose, c'est que l'ensemble du festival, en fait, repas, bar compris, est à prix libre. C'est juste les deux choses que je voulais dire, que c'était complètement à prix libre sur toutes les activités durant le festival du vendredi 26 19h au dimanche soir 18h. Voilà. Et moi aussi, je voulais juste ajouter quelque chose. Que ma collègue a oublié, ma collègue la stagiaire, au fait. C'est qu'une stagiaire en même temps. Hein. Ouais. Du coup, pour les trois lieux, le Gazprom, Pollen et Maison du quartier des Olivettes, en fait, j'aimerais juste souligner les adresses, quoi, en fait, pour ceux qui viendront dans les voitures avec les GPS. Du coup, le Gazprom, c'est 24 rue Fourré, ouais. Et Pollen, c'est 11 rue des Olivettes, et Maison du quartier des Olivettes, c'est 22 rue Émile Péan. C'était juste les trois adresses pour ceux qui viendront en tout cas au festival, au fait. Ouais. Donc dans le quartier Madeleine Champ de Mars, quartier des Olivettes, selon la manière dont on l'appelle. Ouais, merci ça. Pour cette précision. Merci. Et du coup, je crois que vous voulez commencer par l'aspect festif, ouais. Les concerts. Ouais, donc, c'est ça. Tu veux nous présenter ça, Latino. Ouais. Et du coup, pour les concerts, je vais quand même. Des artistes, du coup, comme le nom l'indique, nos festivals, c'est-à-dire Festival Sans Frontières. Donc, pour cela, on a un peu harmonisé, comment on appelle, les artistes. Au fait, il y a des artistes africains, un peu latinos aussi, du continent latino-américain. Et du coup, on a Matt Le Seigneur Lion. Qui est un rappeur gabonais qui fait du rap gabonais. Et on a Tambou Battant, session musique et danse. Et on a La Besse Gypsy Chabi du groupe Algéo québécois. Et nous avons aussi Homo Grooficus qui fait du jazz funk. Et il y a Livson Diallo, un Sénégalais qui fait du rap sénégalais, du reggae sénégalais, pardon. Et El Tatou, du groupe musical Electro Cubia. On a aussi la chamante Naira, qui fait de la musique et chant d'Amérique latine. Et Philippe Zizet, qui fait un peu de la conte. Donc en gros des concerts tous les jours. Ouais, c'est ça, absolument. Et super variés. Absolument. Parce qu'on passe de l'Algéro québécois, ouais. Au Sénégalais, ouais. Au Gabonais, à de la musique gypsy, à l'Amérique latine. Ouais. Voilà, c'est vraiment, on traverse différents horizons, différents oui. Univers. Raison pour laquelle... Ouais. Musique sans frontières. Sans frontières, ok. C'est ok. Bah, c'est sûr que Algéro québécois, c'est quand même assez original. Ouais, ben oui, c'est ça. Parce qu'on peut pas dire que l'Algérie et le Québec soient hyper collés et qu'ils aient une grande histoire commune en plus. C'est ça. Ok. Eh ben écoute, ça attire ma curiosité. Bon. Donc j'essaierai d'être présent à ce moment-là. On vous a emmené un petit son de Naira Andrade. Tout à l'heure, on a écouté Matt le Seigneur Lion avant qu'on commence à parler de Dordonnée. Ouais. Ça s'appelait pas comme on l'entend le titre de leur musique. Mmh. Et là, on vous a emmené un titre de Naira Andrade. Enfin, c'est un teaser où elle présente sa musique en fait. Ok. Et on va écouter Naira Andrade alors. Et ça serait un avant-goût pour ceux qui viendront au festival. Je raconte comment la guitare espagnole a donné naissance aux instruments à cordes latino-américains, comment l'accordéon est arrivé jusqu'en Argentine. Je parle de l'exploitation des Indiens et des Africains dans les mines d'argent de Bolivie. Los mineros de Bolivia, todos trabajan con su coca y su cigarro en sus diferentes racons. Porque la flor se marchitó muriendo, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi C'est un spectacle qui s'adresse à tous ceux qui veulent survoler les musiques d'Amérique latine. Je donne quelques clés pour essayer de comprendre ce qu'elles sont aujourd'hui et pourquoi elles sont comme ça. Et ça s'adresse à tout le monde, aussi bien aux petits qu'aux grands, aux enfants ou pas enfants. Sur la Cayenne, on est toujours avec nos camarades du Gazprom qui viennent nous parler du festival Sans Frontières. Et donc après avoir eu cette présentation de l'aspect festif, musical, je crois que Clandestino, tu voulais nous parler plutôt de la partie cinématographique et donc un peu la sélection de films que vous avez choisi pour les diffuser du 26 au 28. Oui, pour le festival, on a programmé quatre films. On a programmé quatre films. C'est Méditerranée et le sauteur, Europe et nous jetons la mer derrière vous. parmi les quatre, j'ai vu deux films, la vérité. J'ai vu Méditerranéen, qui parle d'un jeune Burkini. Il rêve d'aller en Europe. Il pense dans sa tête que l'Europe, c'est un paradis de terre et il va gagner beaucoup d'argent. Mais quand il réussit et va en Italie, en Europe, il trouve c'est très difficile. Ce film parle de la galère de sans-papier de quelqu'un, de trouver un logement, trouver un travail. Même si tu trouves un travail, tu travailles pour des profiteurs. Tu travailles beaucoup d'heures et tu gagnes presque rien. Et on vous invite pour regarder la suite de l'aventure de Méditerranée. C'est le samedi soir. Samedi soir ? Oui. Ok. Ah, samedi okay. soir à la maison de quartier des Olivettes. Oui, c'est ça, hein. À 18h. Oui. Ok. Ouais. Et toi, ouais, du coup, c'est un des films que tu as vu et tu l'as vu à Douarnenez ? Oui. Ouais. Oui. Et toi, tu as trouvé ça plutôt chouette, ouais ? Oui. Parce qu'à certains bouts de film, je pense qu'il parle même sur moi. Oui, parce que je sens. Oui. Ouais, toi, oui. Tu t'es retrouvé dans un peu oui. le parcours de cette personne. Oui. Sur ce que toi, tu as vécu. Oui. Ou ce que tu vis encore. Oui. Ok. Oui. Et du coup, l'autre film que tu as vu ? Le sauteur, c'était programmé ici. C'est le film d'ouverture, le festival, c'est le sauteur. Ok. Le vendredi. Il parle de jeunes Guinéens. Dans le frontière de Maroc, Mila, il veut sauter la barrière pour aller en Espagne. Ok. Oui, ce film parle de la méchanceté de la police marocaine autant que la police espagnole. Il parle de la souffrance pour venir en Europe, les trajets, plein de risques, plein de beaucoup de souffrance. Et c'est ça. Ok. Donc il parle aussi ouais, fortement de du passage d'une frontière oui. particulière, mais qui est aussi symbolique de l'Europe frontière, quoi. C'est du coup c'est à Ceuta ou c'est Medina? Mlila. Mlila. Le frontière entre Maroc et Espagne. Ok. Oui. Ouais. Mlila. D'accord. Ouais. On a la bande annonce sur le sauteur sur la page Facebook Festival ouais. sans frontières. Ouais, ouais. Ouais. Mais je crois qu'on l'a ici. Ouais. Et ouais. Ouais. Et peut-être on peut se l'écouter là et puis après parler des deux autres films. Ouais. Même si toi tu les as pas vus, au moins présenter un petit peu quoi. Oui. Ouais. Non. Pardon. Sur le titre, on nous jettera la mer derrière vous. J'ai pas vu le film, mais le titre, nous, les Orientaux, on a des habitudes. Quand quelqu'un va voyager, on jette le mer derrière eux. Parce que pour qu'il va et vient en bonne santé. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas vu le film. Bah, du coup, c'est de là que vient le titre. Oui, c'est comme ça qu'ils ont choisi le titre du film. Oui. Et c'est comme ça que commence le film. Eh bien, on écoute cette petite bande-annonce. Quand on regarde le monde au travers d'une caméra, on commence à percevoir l'entourage différemment. J'ai commencé à prendre plaisir à la création d'images. Lentement, j'y ai trouvé de la beauté. Elles ont un sens pour moi. J'ai commencé à m'exprimer avec des images. Je sens que j'existe. Car je file. Adama dembe boli la kawa sojamba dola ye. O sojamba te wale ko Europa. Chaque année, sable doré. Mille animaux en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Non, non, non. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les Et oui, vous êtes toujours sur Radio Cayenne et on est toujours avec nos camarades du Gazprom qui viennent nous parler du Festival Sans Frontières qui aura lieu du 26 au 28 janvier dans le quartier des Olivettes, dans les locaux du Gazprom, de Pollen et de la maison de quartier des Olivettes, Madeleine Champ-de-Mars. Et on était sur la présentation un peu de la programmation au niveau des films. Et je crois que vous voulez rajouter 2-3 trucs sur 2 films. C'est ça. Je vous écoute. Enfin, on vous écoute. Oui, non, on disait que sur la sélection des films, du coup, on n'avait pas tous vu et toutes vu les mêmes films. Du coup, juste avant, il y a Clandestino qui a parlé de Méditerranée et des Sauteurs, dont on a commencé à entendre la bande-annonce, tout ça, voilà. Et du coup, on a un peu parlé de « Et nous jetterons la mer derrière vous ». Et du coup, Clandestino disait que c'était quelque chose chez vous les orientaux, comme tu as dit, de jeter de l'eau derrière celui qui s'en va pour que la personne revienne en bonne santé. Et du coup, ce film, en fait, il sera projeté et nous jetterons la mer derrière vous, pardon, sera projeté samedi matin à 11h au Gazprom avec un des réalisateurs, puisque c'est plusieurs réalisateurs. Okay. Et le film, il est chouette, puisqu'en fait, alors il est pas mal en anglais sous-titré français, je le dis, parce que ça aussi fait partie des chouettes films d'essayer de pas avoir que des films en français, mais aussi des films pour les personnes anglophones, puisqu'on en reçoit aussi pas mal au Gazprom. On voulait des films en arabe, alors ça a pêché sur... voilà, on n'a pas réussi à faire comme on aurait voulu, mais on a en tout cas des films en français et en anglais. Et donc ce film, il parle en fait... l'équipe de réalisation a suivi des personnes migrantes de la Grèce qui remontent en fait dans plusieurs pays, et du coup ils suivent plusieurs personnes dans ce périple en fait de passage de frontières, voilà. C'est un documentaire, pour le coup. Les Sauteurs, c'est un documentaire. Méditerranée, c'est une fiction. Et il y a une autre fiction qui s'appelle Hope. Donc Hope, ça veut dire espoir en anglais. Et qu'un film, on tenait un petit peu dans ce festival aussi à parler de la question des femmes migrantes, puisqu'en fait, dans le monde, les femmes migrantes, ça représente la moitié des personnes qui migrent. En Europe, c'est aussi le cas. Hein, c'est 52%, je crois, le nombre de femmes sur l'ensemble des personnes migrantes. Et du coup, on voulait aussi donner à voir en fait la place des femmes dans les migrations, parce que les 3 autres films sont plutôt sur les hommes. Et donc Hope, en fait, alors juste vous dire, c'est il y a des scènes un peu violentes, enfin c'est pas non plus fou, mais voilà, faut le savoir. Et en fait, ça suit l'histoire d'une femme qui part qui est nigériane, qui part du Nigeria, et en fait, on la retrouve au moment où elle va vouloir passer le début du film. C'est au moment où elle va vouloir passer la frontière. Elle est dans le désert, en fait, pour remonter dans cette partie-là du continent africain. Et du coup, évidemment, c'est la seule femme parmi tous les hommes. Et du coup, ça suit un peu son périple et de comment elle va réussir, ou pas d'ailleurs, à faire ce parcours d'exil avec ce rêve de venir en Europe, ce qui va lui arriver sur la route. Comment elle va aussi trouver à la fois des alliés et à la fois des oppresseurs et des ennemis parmi les hommes. Donc ça suit ce parcours-là. Et du coup, pour aussi faire venir des gens à Hope, qui aura lieu le samedi 27 janvier à 14h30 à la Maison de Quartier. Peut-être juste, toi t'as vu la bande-annonce et plutôt le film, il t'a plu, ça t'a donné envie de voir le film Hope. J'ai vu la bande-annonce, j'apprécie ça. Parce que j'ai jamais vu une femme courageuse qui veut aller en Europe et faire tout le trajet sans peur, avec beaucoup de pouvoir. La bande-annonce me donne envie de le voir, le film. Ben, du coup, on va pas, c'est pas une manière d'encourager quand même les autres femmes aussi pour emprunter ces genres de passages, parce que quand même, elles sont un peu exposées à des risques, elles sont un peu exposées à plusieurs dangers, c'est-à-dire les viols, les agressions, surtout, comme on le sait, les femmes sont beaucoup, quand même beaucoup attaqué au niveau de ces choses, quoi, quand même sur ces genres de passages, quoi. Quand on voit qu'elle est seule, elle est un peu affaiblie, elle est beaucoup fatiguée, et il y a des passeurs qui quand même qui essaient de les approcher pour dire bon, ok, puisque tu n'as pas les moyens, bon, moi je peux te faire rentrer en Europe, mais à une condition, il faut que tu restes avec moi durant un mois. Et pendant ces un mois ou pendant ces deux mois, elle est obligée de se soumettre, quoi, quel que soit ce que le passeur va lui demander. Donc du coup, c'est un prix à payer, au fait, pour obtenir l'Europe, quoi. Mm-hmm. Donc du coup, elle, ça a été vraiment du courage pour elle, mais je vais pas, en tout cas, c'est pas une manière d'encourager aussi les autres aussi d'emprunter ces gens de voix, quoi. Mais je les interdis pas de venir en Europe. S'ils veulent venir en Europe, ils peuvent le faire comme ils veulent, quoi. Mais par cette voie, en tout cas, c'est un peu vraiment, c'est pas vraiment conseillé, quoi. Mm-hmm. Ouais. Peut-être écouter la bande-annonce d'un des films de Hop, j'imagine. Je trouve que ça faisait aussi une belle introduction à la discussion qui aura lieu le samedi 27 janvier de 14h à 16h, qui s'appelle Femmes en exil, alors qui aura lieu en non-mixité femmes. Mais du coup, pour je pense des personnes qui sont pas femmes, qui auront envie de discuter et de continuer à discuter de ça, j'ai l'impression que la discussion de 11h à 13h toujours le samedi, qui s'appelle Solidarité au pluriel, ça peut en faire l'objet aussi, voilà. Et ou lutte des exilés au pluriel et féminisé. Mais peut-être que ce sera après la petite bande-annonce que vous parlerez plus concrètement. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a bien ces dimensions-là dans le festival pour prolonger un peu les échanges et les réflexions qu'on a ce soir. Toi, descends. Je vous ai dit que ça, c'est une femme, non? Vous discutez quoi? Viens. Hey, Yoro! Hey, maître! Dis à ta copine, il fait l'effort de marcher. C'est pas ma copine, c'est nigériane. Pour les camionnais, c'est là-bas. Hello, where are you from? Nigeria. Ah, Nigeria. What's your name? Hope. My own sister. No, Vex. No. You can't carry my sister. Me, I'm not going anywhere with her. I'm not going to get to. J'ai besoin de l'argent. L'argent de la connexion. La nigériane, c'est moi qui ai négocié. Si j'avais besoin d'une femme, j'ai resté au Cameroun. Tranquille. The Cameroon guy will tell you about carry down a jacket home. Let me slap you. But let him move. I'll remove your ear. Why are we not leaving? The passport is shared. You don't know see all the women were there and my woman. You can't understand him. Je suis quitté du Cameroun pour aller en Europe. Je vais arriver là-bas. Tu penses à la souffrance que tu as laissée derrière toi. Donc même quand tu te blesses, tu ne sens pas. Il faut courir ce jour-là pour ne plus jamais courir de toute ta vie. Tu sais que tu es arrivé là où tu partais. La terre promise. Pour mes peines, De la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leur nerf et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici à amorcer mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales. Sans drapeau, sans couleur, sans base gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tari par escale. Entre charter, expulsion, univers carcéral. Mettra jamais la bête noire de ces chacals et mon ambition première. Je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos jambes. Pour des générations acquises par nettoyage mental. À qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol je coule encore, c'est pour que mes poils restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. Que la résignation pour toi est le plus court des chemin. Sur la brèche insolente et la branche ils ont scié, c'est tiens le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sursaignent, mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Une guerre à ciel ouvert. Et oui, nous sommes toujours sur Radio Cayenne et nous avons toujours nos camarades du Gazprom qui viennent nous parler du Festival Sans Frontières. Alors après avoir parlé des différents films, de la musique, on allait se centrer un peu sur les discussions qui vont avoir lieu pendant ces trois jours, donc du 26 au 28 janvier. Donc différents sujets de discussion, différentes manières de discuter. Peut-être on peut commencer par celle qui s'appelle la lutte des exilés. Et donc je crois que Latino, tu voulais nous en dire deux mots de cette discussion. Ouais, absolument. La lutte des personnes exilées, généralement, la plupart des gens qui viennent d'avoir en France ici, c'est des gens qui, comme tout le monde le sait, ils vivent sans papier, sans toit. Et donc, du coup, c'est un peu difficile pour eux, quoi. Donc, c'est des gens qui n'ont absolument rien. Ils vivent vraiment dans des situations de précarité. C'est beaucoup difficile. Donc, des gens, lorsqu'ils sont comme dans ce genre de situation, leur premier souci d'avoir, c'est d'avoir un toit. Et après, essayer maintenant d'avoir comment il faut diriger dans les démarches administratives. Et quand c'est comme ça, parfois, ils viennent nous voir au Gazprom et on essaie de les diriger. Comment, si ils ont vraiment besoin de demander l'asile ou de faire d'autres demandes, nous, on essaie de les diriger au fait. Donc, c'est un peu ça. Et lutter collectivement... C'est des gens, actuellement, on est en collaboration avec un collectif des sans-papiers qui se trouve actuellement à Nantes. Et du coup, ils luttent pour être irrégularisés. Donc, pour cela, ça fait un peu partie quand même de nos sujets quand nous allons aborder le samedi par rapport au sans-papiers, au fait. Enfin, je trouve c'est intéressant là ce qui est posé dans cette discussion et ce que tu dis, c'est ouais, comment en fait en tant que personne qu'on est pris sur des besoins vitaux, ouais. Se loger, manger, éviter la police, enfin ouais. Pas se faire enfermer, ouais. Comment c'est compliqué de sortir de je pense à ça, ouais. Et je me mets dans une dynamique plus avec d'autres pour essayer de lutter pour des droits, ces droits-là, mais aussi autre chose. Ouais. Et je trouve ça fait écho. Alors, t'étais pas là à ce moment-là, enfin vous étiez pas là à ce moment-là, mais à une des luttes dont on parlait en début de soirée, où on parlait notamment d'une lutte sur le quartier d'Albi, ouais. Et la maison d'accueil de jour où on est avec des personnes SDF du coup qui n'ont pas de toit, et de fait leur problématique elle vient déjà de comment, qu'est-ce qu'on va bouffer, où est-ce qu'on va dormir, et du coup comment on arrive à se mettre en mouvement collectif, et ouais c'est une vraie tension, enfin et en tout cas moi ça m'impressionne, moi qui suis pas dans cette précarité là, ouais. De voir des personnes qui arrivent à dépasser leur précarité pour réussir à se mettre en mouvement, et que c'est un enjeu. Ouais. Et je sais pas si vous avez des pistes. Au fait, ces gens, des personnes, ils peuvent pas, comment on appelle, ils peuvent pas suivre les démarches, en tout cas, ces gens, des démarches, sans passer par des associations, telles que le Gazprom, par exemple. Parce que c'est quand même, c'est une route qui est vachement très longue. Et pour cela, c'est pas du tout facile. C'est des migrants, quand ils viennent en France, la plupart d'autres, ils savent pas parler d'avoir le français. Donc, la première des choses d'avoir, c'est de s'intégrer. De s'intégrer, quand on dit intégration, c'est-à-dire d'avoir savoir lire, savoir écrire. Et il faut savoir vraiment t'exprimer en français, même si tu peux pas écrire, ou même si tu peux pas bien le parler. Mais d'abord, tu dois savoir. Tu dois savoir où marcher ou ne pas marcher. Voilà, tu dois savoir, au moins c'est écrit ici, la préfecture de police ou la justice ou comment on appelle le commissariat. Donc, tu es quelqu'un qui n'a pas de papier, tu ne peux pas te diriger là-bas. Mmh. Donc, pour cela, il faut savoir d'abord, il faut t'intégrer. Hein. Donc, tu dois savoir d'abord lire et écrire. Et pour cela, après, tu pourras te diriger quand même dans les associations telles que le Gazprom. Et quand il vient chez nous, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de te demander ce que tu comptes faire, quoi, en fait. Parce que si tu fais une démarche, avec cette démarche, c'est un peu difficile pour la police de te renvoyer dans ton pays. Parce que tant qu'il n'est pas encore statué, la police n'a pas le droit de te digiter quand même dans ton pays, quoi, te renvoyer dans ton pays, parce qu'ils vont voir avec la préfecture que, ouais, que tu es en demande, tu es en cours de régularisation. Donc, pour cela, la police ne peut pas faire grand chose. Surtout quand tu es un demandeur d'asile, c'est vraiment difficile pour eux, pour vraiment te mettre, tant qu'ils n'ont pas encore statué. Mais du coup, si tu es statué, c'est bien, mais si tu n'es pas statué, ça devient encore de plus en plus compliqué, quoi. Donc, c'est une discussion qui s'appelle Lutte des exilés, hein, c'est ça ? Ouais, la lutte des exilés, ouais. 16h30, 18h, le samedi 27 janvier à Pollen. Absolument. Ok. Et donc, il y avait d'autres discussions ? Ouais. Quelle autre discussion vous voulez nous présenter ? Ouais, Solidaire et Après, c'était. Solidaire et Après, c'est une discussion qui a lieu le samedi matin à 11h, à la maison de quartier. Alors. Pourquoi on a fait cette discussion ? L'idée de cette discussion, c'est de se dire qu'il y a plein d'actions de solidarité. Enfin, il y en a pas assez, mais on a déjà des actions de solidarité avec les personnes exilées, en fait. Et de se dire, des fois, il y a des bonnes intentions, mais qui sont pas toujours, qui n'ont pas toujours des conséquences comme on aimerait que voilà que les conséquences bref je sais pas j'arrive pas à m'exprimer intéressante voilà. pertinente voilà, constructive et du coup sur cette discussion là il y aura c'est ça voilà sur cette discussion là il y aura notamment Niat Edition qui a fait un bouquin que, sur Calais du coup plutôt ils vont interroger des personnes concernées qui ont plutôt en fait vécu les actions de solidarité envers eux et envers elles voilà c'est un peu ça l'objet du coup si enfin si je comprends bien et j'essaie de résumer un peu là ce que vous avez nommé sur cette discussion autour des solidarités il y a alors ce que toi tu nommes là c'est ce qui est appelé solidarité notamment des pouvoirs publics et qui est plus une vitrine finalement et un espèce de pansement oui on est solidaire mais en fait ça touche très peu de personnes par rapport à la réalité réelle des situations complexes, singulières et multiples des personnes plus d'autres aussi initiatives peut-être plus citoyennes, associatives qui vont être sur de la solidarité mais qui seront pas forcément pensées finalement avec les personnes concernées et qui finalement peuvent limite avoir l'effet inverse c'est en fait on croit vous aider on croit être solidaire avec vous mais finalement ça a des conséquences plus négatives parce qu'on fait à votre place parce qu'on vous permet pas de vous organiser collectivement on vous permet pas de d'avoir prise en fait par rapport à vos situations c'est à peu près ça oui absolument ou oui. Je me trompe ouais non c'est pas mal ouais c'est et puis pas mal. Après les discussions merci. Elles ont aussi vocation à se faire avec les personnes qui seront là en fait bien sûr non mais non mais enfin en tout cas c'est des pistes qu'on creuse et puis ça résonnera avec les personnes qui seront là et ce sera pas des conférences est-ce que tu veux dire plutôt c'est pas l'objet en fait c'est d'échanger aussi et ouais. Parce que là moi dans mon résumé peut-être il est assez simpliste et non mais il peut être assez simpliste mais il y a pas une clé où c'est comme ça qu'il faut faire et c'est aussi simple que ça. On est aussi tous et toutes pris dans nos paradoxes, nos complexités et c'est ça. Et du coup c'est interroger ça et pour réfléchir pour faire les choses les plus pertinentes possibles. C'est ça. Okay. Moi je veux bien parler de la troisième discussion. Ouais. Femme en exil. La stagiaire sur ma chaussure. Ah, il y a une attaque de boursin dans le studio. Excusez-nous, ouais, c'est un peu le chaos. C'est la précarité. Sur femme et exil, c'est une discussion qu'on est en train de monter. Du coup, on l'a dit tout à l'heure sur Hope, là, la volonté de pouvoir montrer un peu les, de pouvoir rendre plus visibles en fait les femmes en migration. Et du coup, la discussion femme et exil, elle aura lieu le samedi à 14h, de 14h à 16h au Gazprom. Voilà, Gazprom qui est une petite salle et c'est un peu volontaire, c'est genre une trentaine de places. L'idée c'est de pouvoir permettre à des femmes de discuter, de témoigner. Voilà, alors pourquoi on a fait cette discussion ? Moi, je peux lire un peu la chose, alors ça s'appelle Femmes et Exil, se rencontrer pour ouvrir les voies. On est en train de m'essuyer la chaussure. Waouh. Cayenne et le service après-vente. Radio Cayenne. Se rencontrer pour ouvrir les voies. Alors, on a plagié le film d'Amandine Gay qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Ouvrir la voie. Voilà. Et l'idée, c'est la discussion, c'est dissocié. Dans le monde comme en Europe, la moitié des personnes qui migrent sont des femmes. Pour autant, il existe à Nantes peu de lieux où les femmes exilées peuvent se rencontrer, discuter, échanger sur leur situation et s'organiser collectivement. Quels sont les besoins et les désirs des personnes concernées ? Comment imaginer des lieux dédiés aux femmes exilées ? Voilà, quels espaces penser pour elles, en fait ? Voilà, et du coup, l'idée de cette discussion, c'est de faire venir, bien sûr, on aimerait qu'il y ait plein de femmes étrangères et exilées sur cette discussion-là. L'idée, c'est que ça va être une demi-heure d'extrait de films qui parlent des migrations et de l'exil. Pour permettre de discuter après, de témoigner après, en fait, de comment pas parler de soi directement, mais en parler à travers de la fiction, du documentaire, de ce qu'on aura passé avant. Et puis, il y aura la présence de Lesbian of Colors, qui est une association militante de Paris, qui vient, et c'est des féministes radicales, en fait, c'est comme ça qu'elles se nomment. Et c'est des femmes, en fait, qui sont toutes étrangères, et qui militent, du coup, en tant que féministe sur ces questions-là, qui ont développé pas mal d'outils juridiques aussi à destination des femmes étrangères, parce qu'en fait, sur des questions juridiques, c'est pas la même chose quand on est un homme et quand on est une femme, sur quoi on peut jouer, etc. Voilà. Et du coup, cette discussion, elle aura lieu pendant 2 heures. Et juste pour vous dire aussi, comme c'est une discussion en non-mixité, et qu'on s'attend aussi à avoir des réflexions sur quoi ? Mais la non-mixité, mais comment ? C'est bien dommage, parce que les femmes sont déjà invisibilisées, Alors vous rendez ça encore plus invisible. Du coup, on a mis en parallèle Hope, qui parle d'une femme nigériane et qui a lieu à 14h30 à la maison de quartier, en invitant les gens qui vraiment sont très sensibles à cette question mais qui ne pourraient pas assister à la discussion, soit parce qu'il n'y a pas assez de place dans la salle, parce que du coup on a fait des invitations aussi aux femmes... Voilà, en gros, c'est un truc de priorité aux femmes concernées, en fait, pour pouvoir causer, ou qui sont des hommes, de pouvoir aller voir cette discussion, ce film qui parle aussi de ça. Et où ces femmes et exil se rencontraient pour ouvrir les voies le samedi au Gazprom. Voilà, c'est la troisième discussion. Ok, eh bien merci. J'ai l'impression qu'on a fait un tour assez exhaustif. Latino, tu voulais rajouter des choses? Ah non, mais en fait, du coup... On aimerait en tout cas que les gens y viennent massivement à ce festival. Mmh. Par contre, on s'est donné un fond pour organiser cela. Mmh. Donc pour cela, la radio Cayenne est invitée avec y compris tous ses membres. Et plusieurs associations aussi sont invitées. Et donc on vous attend massivement. Ouais, ouais. Mais on sera là. Ouais. T'inquiète. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est... Et on espère que vous reviendrez pour nous raconter aussi comment ça s'est passé. Nous, on pourra dire comment on a vécu l'événement, mais comment aussi les personnes qui ont organisé ça, elles l'ont vécu et ce que ça leur a fait. Et puis, les projets futurs. Ben oui. À fond. Bien sûr. Et peut-être, du coup, donner deux, trois. Rappeler, du coup, les dates. Ouais, donc, du coup. Pour les dates, il y a le 27, 26, le 26, je crois. Le 26, 27 et 28 à Poulaine, à Gazprom et à la maison du Cathy. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le Gazprom, c'est à 24 rue Fourré. Et à Poulaine, c'est 11 rue des Olivettes. Et maison du Cathy, c'est le 22. Rue Émile Pian. C'est ça. Ouais. Et je crois que vous avez un site internet. Oui, absolument. Le site d'internet, c'est sansfrontieres2018.mixit.com. / festival, je crois. Ouais, ouais, festival, ouais. Donc, je crois qu'il y a eu un bug sur le site. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, notre Facebook, c'est Festival Sans Frontières. Voilà. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Oui, en plus, il y a une page Gazprom, au fait. Voilà. Ouais. Et ça, vous pourrez retrouver tout ça. Nous, on va le mettre sur notre blog. Ah, ben oui. Qui s'appelle Radio Cayenne, tout attaché, noblogs.org. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris autant de temps avec nous. Merci. Voilà, en tout cas, moi, j'ai passé une très bonne soirée. Également nous aussi. Également, ouais. Ouais. Bon, ben cool. Et on voulait faire une petite fin musicale avec un collectif qui s'appelle Étrange Miroir. Et comme sur le Festival Sans Frontières à Pollen, vous aurez des espaces d'écoute sonore et à la fois individuelle et collective, avec des sons du Brutagène, d'Étrange Miroir, peut-être de Radio Cayenne aussi. On s'est dit qu'on allait vous passer un petit son d'Étrange Miroir qui s'appelle Le Cheval Arabe. On va vous passer ce son-là, et puis après, je crois que Radio Cayenne fera l'agenda de la semaine. À bientôt au festival du 26 au 28 janvier à Nantes. Salut! On raconte qu'au 12e et 13e siècle, au moment de l'apogée des royaumes latins d'Orient, les cavaliers musulmans pratiquaient de temps à autre des incursions en territoire franc pour le pillage. Les chevaliers des garnisons voisines les poursuivaient toujours. Ce qui semblait très étrange et avantageux aux Arabes, c'est que la poursuite durait jusqu'à ce que les pillards dépassent un certain arbre, franchissent un certain ruisseau. Les Francs arrêtaient alors leurs chevaux et regardaient l'ennemi disparaître. La frontière, pour les royaumes latins, était une réalité matérielle, tangible, une limite. Pour les Arabes, cette limite correspondait à l'endurance du cheval, ce que je peux atteindre, là où je peux parvenir. L'Europe, telle que nous la concevons aujourd'hui, applique la méthode des royaumes francs. Il serait magnifique qu'elle soit un beau cheval arabe.